Yeah, yeah. Ok. Seul dans mon lit, je regarde la fissure sur mon plafond. Elle s'étire pour devenir un point d'interrogation. Je fixe, la peinture défraîchie. Impossible de dormir, je commence à réfléchir. Je pense à mes amis qui désertent notre ville. Monter à Paris parce que c'est là-bas l'avenir. Par téléphone, on s'écrit, mais c'est plus la même histoire. Je regrette nos samedis soirs, c'est la vraie vie. La pure réalité, les copines, les études, estompent les amitiés. Je marche seul sur un sentier abrupt, tu une armure vide. C'est donc ça la vie d'adulte. C'est dur ce que le temps passe vite. Y'a ceux qui fument pour le ralentir. Je pleure, mais je suis pas si triste. Je suis un boxeur, mais je suis pacifiste. On veut un futur bien huilé, une voiture stylée. Prêt à tout pour l'obtenir, même à dealer. On est un bon ton, plein de rêves qui poussent. Mais très peu d'entre nous traverseront le filet. Je repense à mes colères qu'il faudrait que je gère. Le feu et l'éclair, je veux un peu d'air. Je terre mes problèmes au fond de mes poches. Pourtant mes colères font du mal à mes proches. Je respire, je repense à cette fille qui m'a dit elle artiste, t'as la belle vie, espèce de pauvre type. En la regardant, j'ai vu qu'elle était ivre. En fouillant dans ses yeux, j'ai su qu'elle était triste. Et j'y repense toutes les nuits. Plusieurs musiques, mais on danse qu'une seule vie. Et c'est souvent dans le plus grand des silences que tout est dit. Oh, Max, de moi-même, lève les bras, bouge la tête et je t'emmène. On ira pagayer dans la tempête. Ceux qui parlent, ceux qui se plaignent, on les emmerde. Quand je kick, c'est comme si j'racontais des trucs sales devant le psy. Mon petit sache que j'anticipe ceux qui se cachent. Sois attentif, prends le temps de vivre une vie sage. Compris, oh là là. Il parle encore de rap celui-là. Si c'est des buildings, j'arriverai comme Godzilla. J'fous le fire et tu seras pas de taille, mec. Quand Biggie Biggie Biggie fait les mic check. J'pense à ceux qui dorment par terre le matin qui se lèvent sans confiture sur les tartines. Et les filles qui entre deux verres perdent leur innocence dans le coin d'un parking. L'amour, t'es où? Tu nous manques ici-bas. Fais-le pour nous, pour les gens qui se battent. On laissera pas la haine dominer. Ces menteurs veulent nous embobiner. Ils veulent nous faire avaler des couleuvres. Leur œuvre, c'est d'amplifier nos douleurs. Ils veulent qu'on s'oppose, névrose, qu'on explose. Moi je viens de la ville rose, obligé d'aimer les couleurs. On n'est jamais content de ce qu'on a. Crois-moi, à peine arrivé à un endroit qu'on pense à déménager. Et les sages le savent, quand les poissons rêvent de voler, les oiseaux rêvent de nager. Toujours dans mon lit, en t-shirt et caleçon, je regarde toujours la fissure sur mon plafond. Dans le noir, je me détends, j'essaie encore. Lundi soir, 5h30, faudrait que je m'endors. Y'a les cuits qui tournent. Ils doivent tous dormir, insomnie j'ai l'habitude. Sud-ouest ma latitude. Et c'est dans l'écriture que mes phrases prennent de l'amplitude. Ma mère est fière, mes rêves que je fasse de grandes études. Mais je serai jamais médecin, on est d'accord. Il me reste quoi de l'école, des blagues et la table de Pythagore. J'ai beau être sur les ondes, plaquer des accords. Je sauverai jamais le monde avec des métaphores. C'est dingue, faut que je dorme. Je me questionne, peur d'être dans la norme. Je voulais être un grand homme, leur absence pèse des tonnes. Des fois je vois leur fantôme. Je fixe mon téléphone, j'attends l'appel de personne. Tu sais, moi j'attends mon heure. Et j'ai mis mon cœur sur répondeur. Tu trouveras derrière les lignes de mes phrases. Sinon laisse un message. Je regarde ma vieille peluche pleine de poussière sur la table, au milieu de mes affaires. Et je la compare à ma peur, car je m'y suis habitué. Mais ça fait longtemps que j'aurais dû m'en défaire. Si je m'en sépare, je ferai bien le deuil. Elle est là, entourée de pleines feuilles. Je la regarde et je me sens un brin seul. L'impression qu'elle me fait un clin d'œil. Je revois le visage de ce type que j'ai croisé dans la gare. Il avait mon âge, ça fait mal quand j'y pense, il a dit. Je m'endors dehors tous les soirs. Sous la couette, j'ai honte d'avoir répondu bonne chance. Cette ville, un film d'action. Effraction, agression, on entend ça depuis minot. Ma voisine a la même vie qu'Al Pacino. Elle prend des pilules et perd son fric au casino. Tous ces choix qui nous séparent, il faut se battre quand on s'égare. Ce putain de poids devant le miroir, je me revois, cela l'écart. Je gratte quand il est tard, je pense qu'au rap depuis le départ. Moi j'ai la poisse et je touche du bois, c'est pour amasser les écharpes. Une sirène d'ambulance est glissée sous ma fenêtre. La main sur le cœur, j'ai trop peur qu'il s'arrête. Enfant du divorce, à force. On se dit que l'amour c'est comme le loto, ça n'arrive qu'aux autres. 5h du mat et les secondes resserrent les taux. Encore une fois, je m'étais promis de me coucher tôt. Et j'ai des flashs de mon zénith. Il n'y voit que du feu. J'aperçois le phénix. Au fait, poteau, là-haut, c'est comment? Pareil que dans ce biz, la cocaïne prend les commandes. Pareil que tu flippes, pareil que t'es triste, affolant. Que tu regrettes ce que t'as dit, pas étonnant. Une villa sur la mer pour ma mère, c'est pas la mer à boire. Je veux plus voir ses cernes dans la brume. J'écris tard le soir, dans mon laboratoire. Je veux finir ma vie au soleil, je demande pas la lune. 20 ans, j'ai pas vu le temps passer. Y'a ces regrets que je peux pas remplacer. A chaque fois, les souvenirs s'entassent. Le coussin dans les bras, je m'imagine l'enlace. Holy, solide, l'autiste, fier. L'ovni, du chromie, solitaire. Il est tard, je sais. Les gens vont bientôt au taf, mais je reste là, dans les bras de Morphée. Alors je respire, je temporise. Je m'imagine dans les cieux. Je fais comme un perfectionniste face à la tour de Pise. Je ferme les yeux. Faudrait que je m'endors. J'attends le marchand de sommeil. Big Flo et Oli, tu connais non? Des malbombes on l'a fait frérot. Merci à ceux qui soutiennent. Notre ville est ailleurs. La vraie vie partie 1. Quoi? La suite c'est... Dernier mot du deuxième album. Toujours avec mon frère.